بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Vous avez entendu? Notre existence sur terre, c'est la conséquence d'un péché. Rappel de Mecca a le plaisir de vous présenter. Le fait de savoir que nous sommes ici à cause d'un péché et qu'on n'est pas censé s'enraciner dans cette dunya et qu'on est censé œuvrer pour l'au-delà, pour regagner notre place au paradis. Une série de rappels donnés dans la ville sainte de la Mecque. Tant que tu seras satisfait de ta vie ici-bas, en vérité, tu ne seras pas un bon croyant. C'est wardé. Tant que le croyant sera satisfait de sa vie d'ici-bas et il sera content, il ne sera pas un bon croyant. Par le frère Wahbi, ghafarallahu lah. Parce que le bon croyant, qu'est-ce qu'il veut lui? Il ne veut pas cette vie d'ici-bas. Il veut l'au-delà. Rappel numéro 5, l'origine et le but de notre présence ici-bas. Voilà la solution. Tu veux retourner au paradis? Tu n'as qu'à adorer Allah Azza wa Jalla et à obéir à ton message. On demande à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Ayyuhan nas, ibadullah. Mes très chers frères et sœurs, avant tout, n'est-ce Allah subhanahu wa ta'ala, an yataqabbal min al-jami'. Donc, c'est avec plaisir que je me rejoins à vous encore une fois. Après avoir passé ces moments formidables, ensemble, avec toute cette ummah, Amina, Muzdalifa, Arafa et autres, pour encore une fois se rappeler Allah Azza wa Jalla et son messager et son rappel, et surtout vous évoquer des choses très importantes dans la vie de chaque être humain, même pas la vie de chaque musulman, mais chaque être humain. Des choses, des vérités que malheureusement on n'entend pas assez souvent, surtout là-bas, dans la jungle. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé ses messagers pour nous informer de ces vérités, des vérités qui vont conditionner nos vies et celles de nos familles, des choses qu'Allah Azza wa Jalla a rapportées dans le Coran, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous a rappelé une chose combien importante. Comme quoi, toute l'humanité tout entière, a témoigné il y a bien longtemps de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et de sa seigneurie. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il prit à témoin toute l'humanité, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier qui vivra sur terre, qu'il les a fait sortir, extraits des lombes d'Adam alayhi salam, des lombes dorsales d'Adam alayhi salam, puis qu'il nous a tous fait témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et qu'on a tous dit, bien sûr que si, ya Allah. Bien entendu, à cette époque-là, à ce moment, nous n'étions pas des êtres humains comme maintenant. Nous étions à l'état d'âme. Allahu Ta'ala a'lam. dans quel état nous trouvions. Laquelle nous étions vivants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu, il a dit: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة فجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا من نور ثم عرضهم على آدم قال آدم أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريته. Écoutez bien ce récit prophétique dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام il nous dit comme quoi lorsque Allah عز وجل il a créé Adam alayhi salam, il a essuyé son dos. N'essayez pas de vous imaginer comment Allah a essuyé le dos de Adam. L'être humain n'est pas capable de s'imaginer cette chose-là. Laquelle il a extrait, il a fait sortir des lombes dorsales de Adam l'ensemble de l'humanité. Jusqu'au dernier qui vivra sur terre. Génération après génération. Puis après, il a mis une lumière entre les deux yeux de cette âme. Et après, il les a tous exposés à Adam a.s. Et Adam a.s., il a dit à Allah, qui sont ces gens, ces créatures? Il a dit, voici ta descendance. Ça s'est passé où cette chose-là? Quand? Ça s'est passé il y a bien longtemps. Bien entendu, aucun être humain ne se rappelle de ça. Hikmatullah azza wa jalla. C'est quelque chose qui s'est passé dans les cieux, au paradis. Allah a'lam exactement les détails, laquelle... Comme quoi nous existions avant, nous avions une existence différente de celle que nous menons aujourd'hui. Puis lorsque Adam a.s. fut créé, Allah azza wa jalla le fit s'établir où? Au paradis. Comme a dit Allah azza wa jalla, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. الله عز وجل plusieurs fois dans le Coran nous raconte, il nous relate ce qui s'est passé au paradis avec Adam. Plusieurs fois, environ 4 fois, il nous raconte en détail ce qui s'est passé avec Adam a.s. lorsqu'après l'avoir établi au paradis et créé Hawa, qu'il leur dit à eux deux, allez-y, vaquez comme bon vous semble au paradis, mangez de ce que vous voulez. Laquelle, attention, n'approchez pas cet arbre. Auquel cas, vous ferez partie des injustes. Puis Shaitan est venu et il a insufflé à Adam des choses, à Hawa aussi. Il leur a menti, il les a trahis, il leur a enjolivé la chose, comme quoi s'ils mangent cet arbre, ils seront telle et telle et telle chose. Et Adam a.s. il est tombé dans le panneau. Ghafarallahu lahu. En conséquence de quoi, lui et Hawa et l'ensemble de l'humanité, on est descendu du paradis. Qal ihbitu minha jami'a. بعضكم لبعض عدو. Certains ont dit que le jam' ici c'est Adam, Hawa et Shaitan. Naam, Shaitan il a été descendu, mais pas maintenant, il a été descendu avant. Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'avait maudit. Et le dalil c'est qu'après il dit فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. Le khitab il est pour qui? Il est pour tous les gens. C'est-à-dire que réellement, vraiment, Allah Azza wa Jalla, il nous a tous fait descendre du paradis. Et mais personne ne se rappelle de cela, bien entendu. Hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Puis après nous avoir fait descendre du paradis, il nous a fait succéder sur terre, génération après génération. Comme quoi notre existence ici, sur terre, c'est le fruit d'un péché. Vous avez entendu? Notre existence sur terre, c'est la conséquence d'un péché. Malgré, subhanallah, que on profite, mashallah, des bienfaits qu'il y a sur terre. On mange, on boit, on dort, il y a des femmes, il y a plein de choses, mashallah. Et bien malgré tout, notre présence ici sur terre, c'est un iqab. Rijal wa nisa, on est en train de subir la conséquence du péché de Adam alayhi salam. Et là, normalement, ça devrait tout changer pour nous. Parce que la majorité des gens, en fait, sont contents d'être sur terre. Tellement contents qu'ils ne veulent plus en sortir. Ils ne veulent pas entendre parler de la mort. Ils aimeraient même être éternels sur terre. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il nous a tout expliqué. Le pourquoi du comment, avant, après, et qu'est-ce qui va se passer après. Dans un hadith, hadith Hudayfa radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué, il nous a informé comme quoi, Yom al-Qiyamah, vous savez que le prophète alayhi wa sallam, il va deux fois faire intercession pour les gens. La première fois, c'est pour que le jugement il soit fait. Parce que les hommes, ils ne supporteront plus d'attendre comme ça pendant Allahu A'lam combien de temps. C'est pas des jours, c'est des années, Allahu A'lam combien de temps. Quelque chose qui sort de notre compréhension, de notre raison. Toute l'humanité, elle va attendre sous le soleil ardent, le moment du jugement. Et que les gens ne supporteront plus, qu'il y a des gens qui vont aller voir tous les prophètes, ou en tout cas les cinq prophètes, pour demander de faire intercession. Et à la fin, c'est qui prend intercession? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième intercession va se faire quand? Que pour les croyants, avant de rentrer au paradis. On va stationner, et Allah azza wa jalla, il va approcher le paradis, sans nous faire y rentrer. Pendant un temps, Allahu a'lam combien? Jusqu'à ce que les croyants ne supporteront plus. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس تبارك وتعالى أي يوم القيامة حتى تذهب لهم الجنة. Les croyants, ils seront debout jusqu'à ce qu'on leur apporte, on leur approche le paradis, et ils le verront. Nous le verrons, inshallah. On fera partie d'eux, bismillah. On va voir le paradis. Combien de temps, Allah alayhi, on ne supportera plus de le regarder sans y rentrer. فَيَأْتُونَ آدَمْ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اِسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةِ. Oh, notre Père, demande à Allah Azza wa Jalla de nous faire rentrer au paradis. De nous faire rentrer au paradis. فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمْ عَلَى السَّلَامُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمْ. لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ. Adam, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, qui vous a fait rentrer? Qui vous a fait plutôt sortir de ce paradis jadis à cause de son erreur? Je ne suis pas celui qui vous faut. Subhanallah. Shahed, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Adam al-Salam, ce moment-là, il va reconnaître. Il va reconnaître quoi? Qui nous a fait sortir du paradis? C'est-à-dire que même si nous, on n'a aucun souvenir de cette vie, à quoi ressemblait, il faut le croire. Et juste le fait de savoir que nous étions au paradis, peu importe la vie qu'on menait, peu importe l'état dans lequel on était, c'est pas un problème. Même si on était un pois chiche comme ça, posé par terre, peu importe. Le fait juste de savoir que tu étais au paradis, en tout cas ton âme, et que tu en as été sorti. Normalement, tu dois réfléchir. Il a été rapporté dans le hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu anhu que subhanallah Moussa alayhi salam yawm al-qiyama. Le hadith il est sahih pour quiconque aurait un doute. Il va blâmer Adam alayhi salam. Il va dire, ya Adam, anta alladhi akhrajtana min al-jannati bidambika wa ashqaytana. Oh Adam, c'est toi qui nous as fait sortir du paradis avant. En conséquence de toi, en conséquence de quoi on était malheureux sur terre. Moussa alayhi salam, le prophète, il va se plaindre. En conséquence de quoi on était malheureux sur terre. Ça veut dire que tu ne seras pas véritablement croyant tant que tu ne ressentiras pas ce malheur. Tant que tu seras satisfait de ta vie d'ici-bas, en vérité, tu ne seras pas un bon croyant. C'est wardé. Tant que le croyant sera satisfait de sa vie d'ici-bas et il sera content, il ne sera pas un bon croyant. Parce que le bon croyant, qu'est-ce qu'il veut lui? Il ne veut pas cette vie d'ici-bas. Il veut l'au-delà. Et ta vie future, elle sera bien meilleure et plus durable que cette vie présente. Ça veut dire, si vous trouvez quelqu'un qui prend plaisir à vivre ici-bas et qui ne veut pas en sortir, sachez que ce n'est pas un bon croyant. Et quand on dit ce n'est pas un bon croyant, là on ne parle pas des péchés et des actions, on parle de sa aqida, on parle de sa croyance. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de l'akhirah combien de fois? Il nous parle, il nous détaille la vie future. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala compare la vie future à celle d'ici-bas? Inch'Allah, je vous exposerai ça dans un autre cours, tellement ça prend du temps. Bi'idnillah. Lakin ça, ce sont des choses que tout croyant doit connaître. Ça fait partie des bases de notre religion. Le fait de savoir que nous sommes ici à cause d'un péché et qu'on n'est pas censé s'enraciner dans cette dunya et qu'on est censé œuvrer pour l'au-delà, pour regagner notre place au paradis. Voilà en quoi consiste la vie du croyant. يقول الله عز وجل قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Il nous dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset comme quoi, descendez tous. Mais attention, vous inquiétez pas, il viendra à vous une guidée de ma part. Le Coran, la Sunna, l'Islam, les prophètes, une vérité viendra à vous, un message viendra à vous, un rappel vous sera fait. Quiconque donc aura suivi mon rappel, alors lui, nulle peur. Il ne fera pas partie des gens qui regretteront. Quant à celui qui aura refusé de suivre le message et aura démenti ce message divin, alors lui, il finira en enfer pour y finir éternellement. Yaqul fi surat Taha, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله عز وجل nous répète sans cesse les choses qui nous sont importantes. Parce qu'il sait qu'on est des mughaffaloun. Il sait qu'on est inattentif. Alors il nous répète. C'est lui qui nous a créés. Il sait très bien qu'on oublie. Il sait très bien qu'on penche vers l'amusement et le divertissement. Rahmat al-Bina, il nous rappelle. Comme quoi vous n'étiez pas ici avant, vous étiez au-dessus, et que moi je vous ai fait descendre à cause d'un péché. Mais attention, quiconque suivra le rappel qui vous sera envoyé, alors lui, nulle peur pour lui, comme on a dit. Mais quant à celui qui se sera détourné de mon rappel, mènera certainement une vie pleine de gêne. Puis Yaoum al-Qiyam, il sera ressuscité aveugle, et il dira, ô Seigneur, comment se fait-il que tu m'as ressuscité aveugle alors qu'avant je voyais? Ce mot en vérité, il fait peur. Peut-être ça, yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jalla, il te ressuscite et tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre Allah Azza wa Jalla te parler à toi. À tout le monde, il va parler. Là, qu'il n'y a que les croyants qui vont le voir. Et les mécréants, ils vont entendre sa voix. Mais ils vont être aveugles. Imaginez-vous, le mawqif, tu entends Allah te parler, mais tu ne peux pas le voir. Malaha min khasara. Wallah, il réfléchissait quelques secondes là, maintenant. Anta yawm al-qiyama, tu ne vois rien, et tu entends Allah, Rabbul Alamin, il est en train de te parler. Ya Allah, subhanallah. Na'oudou billah min hada al-mawqif. Subhanallah al-Azim. Wallahi, on est dans une inattention de fou. On ne se rend pas compte de quoi. On ne se rend pas compte vers quoi on avance. Il y a tout à l'heure, les frères, Il y a eu un petit moment de divertissement, mashallah, c'était convivial. Lakin wallah, on ne se rend pas compte vers où on va. 10 ans, 20 ans, 30 ans à s'amuser. Et dès que quelqu'un vient dire la vérité, oh, c'est bon, attends, t'abuses un peu là. Wallah, et les gens, ils ne se rendent pas compte vers quoi on avance. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Le jour de la fin des temps, il approche, la mort elle approche. Le jour du jugement des comptes, il approche. Jour après jour, il n'y a pas une seconde qui passe sans que tu te rapproches de ton jugement. Alors que les gens, ils sont dans l'inattention la plus sévère. Ils se divertissent, ils jouent, ils s'amusent, comme si ne rien n'était. Alors que Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla, il va nous parler un par un. Et qu'il y a des gens, ils vont entendre la voix d'Allah Azza wa Jalla. Et ils n'auront pas ce privilège de le voir avec leurs yeux. À cause de quoi? De leur inattention. Et du fait qu'ils se sont enracinés dans cette dunya. Ils ont été dupés par cette dunya. Wa mal hayat al-dunya illa mata'ul ghurur. Combien de fois Allah Azza wa Jalla il nous le dit dans le Coran, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Allah il te l'a créé pour toi, na'am. Tu manges, tu dors, tu t'amuses, tu te maries, tu as des enfants, tu joues, tu vas en vacances. La baisse, la harash. Là que malheureusement la majorité, ils ont dépassé les limites. C'est pas ils s'amusent un peu et après ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Faida farakta fansab wa ila rabbika farghab. Non, faida farakta ifra. Zid, allez, vas-y encore. Quand tu as terminé tes occupations mondaines, on a besoin de travailler, d'aller faire telle et telle chose. Là qu'il y en a après, on a un temps pour tout. Va t'adonner à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Hada huwa. C'est pour ça qu'il a créé Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il n'a pas dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ou ya'kulun, ou yashrabun, ou yatamatta'un. Nous, on est là pour une mission. C'est pour l'adorer. Lakin alhamdulillah rahmatan bihi Allah Azza wa Jal a créé tout ce que vous voyez. Pour nous. Pour qu'on profite aussi. Lakin la majorité des gens, ils n'ont pas la juste mesure. Ils vont dans l'excès des adorations. Non, dans l'excès de la dunya. Au point de se faire leurrer par elle. Wallah, ne crois pas que tu es capable de jamais entre les deux. Ne crois surtout pas, ya ayyuha al-abd, que tu es capable d'associer et de joindre les deux bouts entre la dunya et l'akhira. Hada mustahil. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الدنيا أضر بالآخرة ومن ضرب الآخرة أضر بالدنيا. Ça c'est une réalité divine, ilahiyya. C'est pas aqliyya. C'est Allah qui nous a informé. Comme quoi c'est impossible d'être à la fois heureux dans cette dunya et à la fois heureux dans l'akhirah. Tu devras faire des concessions, c'est obligé. Tu vas vivre heureux, alhamdoulilah, tu vas profiter, vous inquiétez pas. Masha'Allah, je vais. Wallah, le musulman, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un cours sur comment s'amuser. Il sait très bien comment s'amuser. Les juz, les khatib, ils réservent une muhadara ou une khutbah du mu'a pour enseigner aux gens comment s'amuser. Même le pire des mécréants, il sait comment s'amuser. La technique, il faut qu'on sache, nous, les musulmans, les croyants, que Allah, il a fait en sorte qu'il est impossible que tu t'enracines dans cette dunya, bien comme il faut que tu profites bien, tout en préparant ta place dans l'au-delà. C'est impossible. Il a dit, celui qui convoite l'au-delà, celui qui convoite cette dunya, il se fera du tort inéluctablement pour sa place dans l'au-delà. Et quant à celui qui convoite sa place dans l'au-delà, qu'il se prépare à vivre de la difficulté à rencontrer, de la difficulté dans sa dunya. Et après, qu'est-ce qu'il a dit à la fin du hadith? فَأَذَرُّ بِالْفَانِ لِلْبَاقِي. Il ne te laisse pas tout seul. Il te donne le conseil. Attention, fais pas le bon choix. Fais-toi du tort dans cette dunya pour l'au-delà. Mais malheureusement, nous, on se fait du tort pour l'au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a choisi, on a fait l'inverse. C'est ça la réalité. Là, je ne parle pas au cas par cas, bien entendu, hein, de façon générale. que la majorité des musulmans, ils ont fait le mauvais choix. Même en étant musulmans, même en faisant la prière, même, masha'Allah, vous êtes une élite, vous venez de faire le hajj. Mais Allah Azza wa Jalla est taqabbal. Mais c'est une réalité. Vos vies, elles vont continuer. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala yutawwil a'malakum fi ta'atillah. Wa an la yumitakum illa wa huwa radi ankum. Lakin c'est une réalité. La vie, c'est une succession d'épreuves qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Allah, il est injuste. Non, lillahi al-hikmatul baligha. Vous savez la parole qu'on dit quand il y a un mort, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi cette parole-là? Nous venons d'Allah et c'est vers lui que nous retournerons. On vient d'Allah. Nous sommes des quoi? Des serviteurs d'Allah. Vous savez ce que ça veut dire un serviteur? C'est quelqu'un qui a servi à son Seigneur. Quelqu'un qui est censé être sous ses ordres. Quelqu'un qui est censé vouer sa vie à cette personne. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il a dit quoi Allah Azza wa Jalla dans ce verset? Ô toi Muhammad, dis en toi-même et aux gens, certes mes prières, mes invocations, mes sacrifices, tout ce que je vous pourquoi, ma vie et ma mort sont pour toi. Voilà comment doit être le musulman. Il doit vouer sa vie pour Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire que nous musulmans, en vérité, on est censé vouer tout ce qu'on fait du matin au soir pour Allah Azza wa Jalla. Les prières, les invocations, hein, il y en a, ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jalla, malheureusement. Mais même quand tu manges, même quand tu vas dormir, tu es censé le faire pour Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que demain tu vas revivre, Inch'Allah, et tu vas devoir reprier. Tu vas devoir adorer Allah Azza wa Jalla. Il te faut de la force. Tu ne peux pas faire nuit blanche, sinon tu vas bâcler tes adorations. Et pareil pour manger. Tu manges pour te faire plaisir. Ça, c'est Rahmatan min Allah, mais en vérité, parce que tu as un besoin. Nos vies, elles sont censées être vouées à Allah Azza wa Jalla. Même quand tu t'amuses avec tes enfants, mets la nuit, c'est pour Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il n'y a pas un croyant qui fait rentrer le bonheur dans le cœur d'une personne sans qu'il en soit récompensé. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé comme quoi, plutôt c'est des sahabes qui sont venus, qui ont dit, ah, Rasulallah, dhahaba al-dutur bil-ujur. Les gens riches sont partis avec des hasanat. Ils vont que de faire des sadaqat, mashallah, nous on n'a plus rien, on ne sait pas quoi faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a informés comme quoi, il y a plusieurs façons de faire des sadaqat. De se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, d'être récompensé. Et il leur a cité, énuméré différentes façons. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il leur dit plutôt, même quand tu vas avec ta femme faire des rapports, tu es récompensé. Les sahabes, ils sont étonnés. Ya Rasulullah, comment ça? Un nous, il a des rapports avec sa femme, il est récompensé. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Avez-vous vu celui qui va faire ça dans le haram? Il n'en est pas. Il ne commet pas un péché? Et bien de la même façon, celui qui fait ça dans le halal, il est récompensé. C'est-à-dire toute notre vie, en fait, tout est conditionné, tout est préparé. Ubudiyatullah Azza wa Jalla, c'est vaste. Ça ne se résume pas à faire la prière. Ou aux cinq piliers, comme ça, comme vous les voyez, c'est détaillé. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Al-ibada, kama arrafuhu ba'd al-ahl al-ilm, je dis, ismun jami' li kulli ma yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda. L'adoration, c'est un mot général qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jalla il aime et l'agrée. Tout ce que Allah Azza wa Jalla il aime, c'est un ibad. Si tu fais quelque chose, tu sais qu'Allah il aime cette chose-là, sache que tu es fait ibad. Allah Azza wa Jalla nous a créé pour ça, pour qu'on l'adore. Jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et il a envoyé des messagers pour ça, pour nous rappeler le message. Et il nous a dit, je vous ai fait descendre du paradis. Ça, le plus important, de savoir ça. Je vous ai envoyé des messagers, je vous ai informé de mon ordre. Quiconque veut retourner, qu'il m'adore. Nous étions au paradis. Maintenant, vous savez, on est là, on a une mission à accomplir. Quiconque veut y retourner au paradis, il connaît le chemin. Yaqul Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Celui qui oublie Allah Azza wa Jalla et à son messager, Allah Azza wa Jalla le fera rentrer au paradis. Il retournera au paradis. Voilà la solution. Tu veux retourner au paradis? Tu n'as qu'à adorer Allah Azza wa Jalla et à obéir à son messager. Il te fera rentrer dans un paradis éternel sous lequel coulent des ruisseaux. Et quelle grande récompense! Mais quant à celui qui aura désobéi à Allah Azza wa Jalla et à son messager et qui aura outrepassé les limites d'Allah Azza wa Jalla, alors Allah Azza wa Jalla, celui-là, il le fera rentrer dans un enfer ardent. Il sera humilié. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Encore une fois, il nous dit la solution. Elle est simple. Oh vous les gens, j'ai été envoyé pour vous, à vous comme un avertisseur. Quiconque donc aura cru en Allah Azza wa Jalla et aura accompli des bonnes œuvres, alors à lui, son entrée au paradis. Et ce risque, Karim, cette récompense, cette subsistance tellement honorable. Mais quant à celui qui aura, tant bien que mal, essayé de s'échapper, en détournant du rappel d'Allah Azza wa Jalla et en démentant les paroles d'Allah Azza wa Jalla et de son messager, alors lui, il sera jeté en enfer pour y rester éternellement. Ayyadan billah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a sorti une parole explicite. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 shuruhat. Il n'y a pas besoin d'expliquer 15 ans cette parole qui est explicite. Il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu anhu, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Toute ma communauté rentrera au paradis excepté ceux qui auront refusé de rentrer au paradis. Et tout le monde retournera au paradis comme il était avant, même dans un meilleur état. La vie future au paradis, elle est mais bien meilleure, ça c'est sûr et certain, que la vie qu'on menait avant au paradis. C'est sûr et certain. Il a dit tout le monde y rentrera, tout le monde y retournera, excepté ceux qui ont refusé d'y retourner. Alors les sahabes sont étonnés. Ya Rasulallah, wa man yaba. Oh messager, mais qui refuserait de rentrer? Mais qui va refuser de rentrer au paradis? Faqala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Quiconque m'aura suivi, m'aura obéi, eh bien lui, il rentrera au paradis. Et quiconque m'aura désobéi, eh bien lui, en vérité, il aura refusé de rentrer au paradis. Subhanallah. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se détourne du rappel d'Allah Azza wa Jalla, à chaque fois qu'on se détourne du Qur'an, à chaque fois qu'on se rappelle de la vérité, l'orgueil, le kibr, à chaque fois qu'on tombe dans une ma'asiya, volontairement, en vérité, dites-vous qu'on est en train de refuser de rentrer au paradis. Et qu'on mécroit au messager. Et avec ceux avec quoi il est venu. Ah, c'est un rappel. Pour vous dire, barakallahu fikum, que le chemin est encore long. Et qu'il faut être à l'hadar. Ce sont le genre de vérité qu'il faut garder en tête tout le temps. Même si à un moment tu plonges dans la piscine. Tu vas à la plage. Ou à la route, c'est pas un problème ça. Mais quand tu sors la tête de l'eau, rappelle-toi que tu n'es sur terre que de passage. N'oublie pas, tu as des prières à accomplir. N'oublie pas, tu as des droits. Plutôt, Allah Azza wa Jalla, il a des droits sur toi. Les gens, ils ont des droits sur toi. Et que Shaitan, il a la vue. Et qu'il n'y a pas Shaitan aussi. Il y a son Kharim. Le Kharim, notre Kharim. Un djinn qui a été affecté à chacun, à côté de chacun d'entre nous, qui nous insuffle la mauvaise parole. N'oubliez pas que vous êtes aussi entre vous des ennemis les uns des autres. Et descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Car Allah Azza wa Jalla, en fait, il a fait en sorte que les êtres humains, ils soient ennemis les uns des autres. Illa man rahimahullah Rabbi. Comme quoi, Azza wa Jalla, il a fait en sorte comme quoi nos âmes, elles penchent vers le mal et qu'elles nous insufflent à faire le mal, à parler sur les gens, à causer des torts aux gens, à voler les gens, à frapper les gens, à mal regarder les gens, à pas aider les gens. à dénigrer les gens. C'est de ça qu'il est sujet ici, cette animosité. Illa man rahimahu rabbi. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Inna ash-shaytana yanz'u baynahum. Et dites des bonnes paroles aux gens. Pourquoi? Parce que le shaytan y rôde pour semer la zizanie. Et là, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, li yashhadu manafi' lahum. Allah Azza wa Jalla vous a fait venir ici pour que vous témoigniez des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et parmi ces bienfaits, vous avez vu la fraternité pendant tous ces jours. Vous avez vu toutes ces nationalités, toutes ces origines. Vous avez vu toute cette entraide. Vous avez vu toute cette patience. Vous avez vu tout ce rêve. Vous avez vu comment vous avez patienté sur des fois les gens vous bousculaient. Alors que normalement, vous aurez répliqué. Peut-être certains, ils seraient battus. Mais que Allah Azza wa Jalla, il a fait en sorte que, durant ce Mawsim, à cet endroit-là, mashallah, les gens, ils atteignent peut-être leur summum de leur bon comportement. Enfin, c'est comme une référence pour vous. Comment doivent être les musulmans? Quand vous allez retourner, vous allez voir même la majorité des gens qui viennent, qui sont ici présents, venez de France, il se passe des choses en France. C'est arche, rien à voir avec ce que vous avez vécu ici. C'est pour ça que j'appelle la jungle. Barakallahu fikum. Dès que le rappel il vous l'est fait, il vous est fait. Peu importe où, quand, surtout dans les mosquées, dans les livres, à la télé, n'importe quoi, peu importe, internet. Dès qu'on vous fait le rappel, ne vous détournez pas. Acceptez-le, peu importe de la façon dont il est fait. Remerciez Allah, quelqu'un est venu vers vous et vous a fait le rappel. Car le rappel il est profitable aux croyants. Et nous, combien, oh combien on a besoin qu'on nous fasse le rappel et qu'on nous rappelle ces vérités afin de préparer notre vie future, notre rencontre avec Allah Azza wa Jal, dans le but de séjourner éternellement dans ces jardins paradisiaques en ayant le privilège de voir Allah Azza wa Jal et qui lui est satisfait de nous. Allahumma ja'alna min ha'ula. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.